calciné. Ils font tout péché, en train d'halluciner. Juste une grosse caisse suffit pour la fasciner. Je la ramène à l'hôtel, non, non, pas au ciné. Des bombes, ils veulent tirer. Si tu fais des sous, tu t'affoles. Ouais, mec, le 13-5, c'est le zoo. La frappe dans le pétard, mais y'a rien dans la zoo. Nous prend pas pour des bourges dans la mer, nous nageons, c'est la S. Ouais, ça nous rend plus fort. On fait pas pour ta caisse, on veut prendre le coffre fort. Si on a le but dans la tête, on fournira les efforts. On fait sauter le plein fort. Normal, si j'ai pas tué, ben mange normal. Après le camus, ça se fout normal. Les joueurs, les perquis et les bombes, normal. Comme d'un bon fils, qui a à faire, on s'emballe avec debout. Ouais, on prend les devants, les poches sont trop à terre, il faut qu'elles soient debout. Si tu parles sur moi, c'est que tu bandes sur moi, et ben suce-moi le bout. Rafale pas coup par coup, j'ai croisé trop de buts dans mon parcours. Y'a les pimpins pro, y'a les blem blem pro, y'a de la mise en mini. J'passe en impro, j'suis pas de guili guili. J'ai trop les gros, c'est fini fini. On fait ce qu'il faut, ça change pas, c'est ces gens la pointa. Toutes les couleurs, on s'en fout des quotas. On a tous une douleur qu'on ne dit pas. Tu fais le voleur, mais t'as pas besoin de ça. Chez moi y'a des têtes bousillées. Le bout du canon est scié. De m'endormir, ils vont essayer. Déterminé, je reste éveillé. Y'a des choses inoubliables. On le sait si t'es fiable. Ne sois pas désagréable, te fais pas emboucaner par le diable. L'équipe énervée dans le 4-4, la capuche ou la casquette. Un zig sous un claquette, fais pas le fou, on te paquette. Agace, prison, fourgon, des dollars, on perd la vue. Parleur, fantôme, tu regrettes pas, mais les dada. Vas-y, cherche-moi, j'te pète ton crâne. 1, 3, béton, crâne. J'mets la M, j'ai de travers en crâne. J'ai envie de bander, faut que j'sorte un cross. Des coups de crasse dans la tête, y'en a beaucoup. L'hiver, j'suis blanc, l'été, j'suis blanc à la Son Goku. Au check, j'm'emmerde, j'mets le Yamaha debout. Pendant que ça gamberge, j'vais faire des cocos. J'mets un steak, frites, mets la mayonnaise. On se plaint toujours, mais on rit, on baise. On va te soulever à la lyonnaise. On fume la frappe à la hollandaise. J'te baise, j'te baise, j't'appelle en jazz. On a arrêté d'être romantique. J'connais des mecs en chien, HS, qui seraient prêts à te fouetter pour un ticket. Appelle les poulets, j'ai du salami. J'leur ris au nez comme une salamandre. Rastan lâche dit de faire du salami. J'ai la queue en feu, appelle-moi Salamèche. J'vais tous les baiser, ça c'est promis. Pas de menaces, que des promesses. T'as fait le fou, mais t'as pas fait le taf. Ça t'a niqué ta mère, ça t'a niqué ta race. Un 3-5 poteau, grosse équipe de tarés. Zéro pique, ici tout est carré. Veste qui l'âme soit avant que les keufs ils t'arrêtent. Je fais le taf, je baise l'état. Je creuse l'écart, je baise la prod. Je t'envoie les doses, je mets les gaz. Je contrôle la zone, mieux que la focus. Je suis culotté, je suis ben focus. Je te l'ai déjà dit quand les fuck au check, car ça vole plus que des faucons. On sait ce que tu vaux, on s'en fout de ta ville, on s'en fout de ta vie. On s'en fout de ton frère, on s'en fout de ton avis. On va gâter le coin, polo. On va prendre la concu à coups de godet. On les met à la menthe, demande à Ramada, c'est nous qui sommes à la mode. L'équipe énervée dans le 4-4, la capuche ou la casquette. Un zig sous un claquette, fais pas le fou, on te paquette. Agace, prison, fourgon, des dollars, on perd la vue. Parleur, fantôme, tu regrettes pas, mais les dada. L'équipe énervée dans le 4-4, la capuche ou la casquette. Un zig sous un claquette, fais pas le fou, on te paquette. Agace, prison, fourgon, des dollars, on perd la vue. Parleur, fantôme, tu regrettes pas, mais les dada.